Spiritus Sanctus. Spiritus Sanctus. Nous attendons à nouveau. Et là, de Yaki. Mabouni, si richesse, l'engage Jean-Jacques Maloulou. Bolingo, y'a des motés, mais salimatanga vraiment. Yo piratel, y'a un gala, mais il y a un gala original. Koka wana auto vraiment gala, kokate. N'aigues au casin, il y a un peu de coup, il y a un peu de coup, il y a un peu de coup, il y a un peu de coup, il y a un peu de Alexis Maloulou. Jean-Jacques Maloulou a dit. Et quand on a mal à Jean-Jacques Maloulou. Karine Maloulou. Vincent Gomez, directeur international. Cyprien Mazebo. Allô premier. Ce qui n'a pas dit mon mot et à tous les en boîte moyenne des chromosomes, y'en a un gars. Ma qui plus que mon ténicé. Qui a de l'estime à pas de palis, premier de Kiliwa. Jean-Jacques Bayonne. T'as quoi qu'un mon éthique a un petit problème. Nous avons Calatena Kotia Katia Kofi Chon Souci. Recommandez moto tout à la ta noir noir. Naïté ni à l'inda la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bob Okazo. Auteur, compositeur, abonné à la grande zombie. Candy à la vie. Je vais interpréter, tu interprètes à Kamabi. Et en gros, abonné comme la vie, Mindondo. Apôtre pour la nouvelle à l'amour d'autrui. Mais à éviter de nous y aller. Claudie au manque. La solitaire, mais nous autres, on va faire tenter de coquille, Claudica. Mwenyamba ulingwa tama betu feta mwizo kubikate Yango razo kufara trikaze ya bulingunu Martino Lunda Mama Mokokoli Claudia Sassou Ikia Ricky Jedi Chibua Pula Kongo itaka fena karera ndi Mbaki Malauka Mbaki fena karera dinanga Alex Munsi Sura tantre mousura kopan misabana Ibushiri Na ebi stade matire ko debode ou Kwa moto toa ko se sentir concerné Niko pakazazi na matadi Evariste Bouchamba Monteur compositeur abolineza la kanzambe Isto va interprende tu interpreta kamba bi Apotre pula novela l'amour Mimi Kalombo Corazo que camina no tuve tanto de conmigo di Mimi Chiqueta Tanga razo ku sora tri fazia con lo Jean Jacques Maluru Adolfo Muzito le grand Alain Sekimuni Alain Lipoto Claire Chambaud, il est ma cérémonie à Karine. Je mime ma parole, mon tout papa. Godard, mon témoin à dirigeant. Maman Rifana Londres. Honorable Olivier Brant, mon toilé. Jean-Jacques Moutoualé, Boboma sa tendance double S, Alain Mangui Mokundi, Mboué la Lange, Matissanto, Antoine Gonda, le leader Roga Roga Yasefa, Samba Belouge, Aminata la Sénégalaise, Mamalek Imoluke la Londres, Donato Ndo na Dallas.